Simonito, Copacabana, le zèbre qui se fait tout, tout est fait hera, le zèbre on se voit dans les îles, on a pris le champagne banana, Copa, Copa, Copa, Copacabana. J'suis sorti à Jeun, j'suis rentré guillet, j'vois du rendez bon matin, j'vois les guetteurs crier, elle est pétée dans le jacuzzi, tu nous jalouses, t'es pas aussi, à Khalil Civil, ça sent le roussi, j'suis avec votre pêche, vas-y, tu sens 1, 2, 3, à Khalil Civil dans le cul en 3, j'vais la charger 2, 3, 4, le pétain t'es frais, j'monte sur l'investissement, j'lui remonte le moral et lui souris, il me coûte sa cellule, il se voit dans les îles, ton regard la mise m'assassine, il me dit on promenade, on veut la piscine, cette année ça pète, demande à Ozon, j'vois dans les îles, on parle aux oiseaux, Catalina regarde le pélican, il se met fraîche à l'île, tout le rabato, raté sa constat, les cheveux lâchés, j'passe à la fouille, moi j'ai tout caché, j'vais l'attaquer en tumbo pété, parle à sa cop que j'vais tout braquer, wesh la bouse, ce sont les plus que douze, et wesh la bouse, ce sont les sous gris bouse, wesh la bouse, ce sont les plus que douze, et wesh la bouse, ce sont les sous gris bouse, la synonyme. Le zen dit tout se fait tout, tout est fait hera. Le zen on se voit dans les îles, on a pris le champagne banana. Copa, Copa, Copa, Copa Cabana. La synonyme tout, Copa Cabana. Le zen dit tout se fait tout, tout est fait hera. Le zen on se voit dans les îles, on a pris le champagne banana. Copa, Copa, Copa, Copa Cabana. Mon potaille me peine mais j'vais l'assumer, j'sais pas combien de cheats il a consumé. Jaloux, je te fais des boussages, je peux même plus capter, j'arrive au sommet. Comme tu boules, fais bye, bye, bye, avec elle ça va, va, va, chaque fois tu vas quartier, ah, ah, les civils ça vient, ça va. Premier showcase, on part à Salou, 13-0-15, la photo c'est nous. Deuxième showcase, Copacabana, je crois que t'as pas compris, cette année c'est nous. Mais ça la vanille dans la Fiat 500, tu nous jalouses, pour toi t'es le sang. Demande à Sadek, t'es m'nique le sang, demande à Malik, nous t'arlique le sang. Wesh la bouse, ce sont les plus que 12 et wesh la bouse.